Troisième partie de ce direct live from the Hellsass. Alors, Geek Shadow est déconnecté, mais il reste encore Julquien Anti-Blues et La Merteuil également. Ben, bien sûr que La Merteuil qui me demande si elle m'autorise à relayer. Ben, bien sûr, hein, jusqu'à 19h. Bon, là, cette troisième partie, ça parlera un petit peu plus quand même. Donc, Direct Live from the Hellsass qui est consacré aujourd'hui à la musique ambiante, mais aussi donc, quelques nouvelles de ce qu'on nous prépare comme projet de loi, et notamment le projet de loi à l'OPSI. Dans le concert de protestation, on a de nouveau un petit nouveau, c'est Reporters sans frontières qui vient également contester le bien fondé de cette loi, en tout cas la façon dont elle est. La façon dont elle a l'air de se goupiller. Elle a publié un communiqué récemment. Parce que le principe des logiciels espions qui peut entraîner des dérives mettrait notamment en péril les sources journalistiques et la protection des sources et donc compliquerait furieusement le travail d'information. Alors, il y a déjà eu la CNIL, il y a eu la population civile, différentes initiatives citoyennes, mais il n'y a pas que qui se méfient de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Ce Reporters sans frontières dit Dixit, nous sommes inquiets par ce projet de loi, nous redoutons une utilisation excessive de ce système d'espionnage par la police qui pourrait mettre en danger la protection des sources journalistiques. Le cadre de mise en œuvre de la captation des données informatiques doit être plus clairement défini. Nous demandons aux parlementaires de présenter des amendements pour mieux encadrer ce projet. C'est-à-dire qu'ils ne s'opposent pas directement au projet de loi en tant que tel, mais ils trouvent qu'il n'y a pas cette protection. Alors, je précise notamment que le projet de loi prévoit que ce serait contrôlé par le juge d'instruction. Or, il se trouve que le juge d'instruction, il a été prévu de le supprimer. Donc, grosso modo, on ne sait pas qui va contrôler ça après. Et le ministère de l'Intérieur avait saisi la CNIL et la CNIL avait... L'analyse de la CNIL avait porté sur 7 articles du projet de loi. Il mit pas mal de réserves sur le traitement des données sensibles et qui demandait donc des garanties sur l'encadrement et l'utilisation des logiciels espions par la police, puisque ces derniers peuvent être introduits à distance dans l'ordinateur d'un individu sans que son consentement soit nécessaire et sans qu'il soit au courant de quoi que ce soit. Notamment, ils avaient noté que il ne s'agissait pas de conserver les données utiles à la manifestation de la vérité, mais les données tout court, ce qui change absolument tout. Donc ça, c'est pour grosso modo ce que on peut dire aujourd'hui de ce projet de la loi LOPPSI. Et donc il y a un article en fait sur Numérama, numerama.com. Donc là également, vous aurez le lien sur le forum. Et également, il faudra donc que je corrige ma page web où vous pourrez avoir toutes ces informations. Vous pourrez avoir l'article entier donc de Numérama. Mais on revient tout de suite à un petit peu de musique. Avec Preslav Literary School et son album Autumn Bricolage. Évidemment, ce n'est pas ça, Preslav Literary School. Ça, c'est ma manie de mettre des bruitages en plein milieu. Il s'agit maintenant de 03-13, toujours du même album, et toujours de l'ambient, et toujours sur la même licence sous la Creative Commons by NCND. Thank you. Thank you. Et à l'instant, c'était donc Preslav Literary School avec d'abord 0313, suivi de 0414. On s'est passé les deux là, tant qu'à faire. Donc c'est bien entendu, donc je le rappelle, sous licence Creative Commons by NCND. Et c'est de l'album Automne Bricolage, le Clinical Archive numéro 150. Donc l'album complet, vous pouvez le trouver là-bas. Vous trouvez également évidemment le MP3 et le Hog sur Dogmatic, mais sur donc chez Clinical Archive. Ensuite, donc pour ce qui est de ce qui est de mon programme, bah, ce qui est encore prévu, de faire chez nous. Donc là, c'est un coup dans Adopi, un coup dans l'Opsi. C'est réparti dans les deux projets de loi. C'est le filtrage de l'internet. Où est-ce que voilà, j'ai un truc à préparer. Voilà, et ben je refais ma petite cuisine en direct. Donc ça a néanmoins été testé en Australie. Donc ils ont fait des essais de filtrage qui ont été jugés concluants malgré plusieurs problèmes. Donc en fait. En Australie, donc il y a le gouvernement local a mis fin à une vague de tests qui portait sur le filtrage du web à l'échelle du pays. Et donc 9 fournisseurs d'accès avaient participé à ces mesures de filtrage. Et donc il y a quand même pas mal de problèmes qui n'ont pas été résolus. Donc il s'agissait de mettre en place une sorte de barrière autour du pays, donc pour mettre fin à certaines dérives, notamment pornographiques. Et les filtres étaient activés par défaut. L'utilisateur avait la possibilité de les désactiver. Mais maintenant, les choses ont changé. Donc les détails du nouveau plan de cybersécurité se fait jour et donc le filtrage ne va plus être optionnel. Donc l'utilisateur ne peut plus se retirer de la liste noire que même s'il est majeur. Donc il y avait une liste principale qui avait une portée universelle et qui ne serait ni désactivable ni contournable, et puis une autre liste additionnelle qui était plus souple puisqu'on pouvait toujours laisser à l'internaute le choix de la désactiver. Maintenant, ça sera la grosse liste pour tout le monde. Et paraît-il, les utilisateurs n'auraient expérimenté aucun problème, n'auraient connu aucune dégradation du service, donc ce serait une expérience plutôt concluante. Mais pourtant, il y a beaucoup de sites internet pour auxquels les utilisateurs n'ont pas pu accéder correctement, alors que c'est parfaitement légal. Et puis, il y a toujours de sérieux obstacles, puisque le filtrage, néanmoins, on sait très bien que le filtrage aussi, en plus de générer de faux positifs, on arrive à toujours à le contourner d'un point de vue technique. Et donc, pareil, hein, c'est un petit peu comme en France. Et donc, on va on a déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Notamment, la liste blanche pour les bornes Wi-Fi publiques. Alors, qui serait limité, il y aurait un numerus clausus, ils ont parlé déjà de 1500 sites internet, qui seraient uniquement ceux qui auraient demandé à être et auraient reçu la labellisation de l'Adopi. Alors, vous imaginez un petit peu un touriste qui arrive en France avec son ordinateur, qui veut faire du télétravail, il ne pourra pas parce que, de toute façon, ça ne sera pas dans la liste blanche. Et donc, ça, c'est le genre de problème auquel on peut s'attendre. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le côté filtrage. Et en attendant, on va revenir tout de suite à un peu de musique et à la suite de cet album Automne Bricolage. Et donc après 0313 et 0414, la suite logique c'est 0515. On ne pouvait pas faire plus logique et plus cohérent. Au moins, on arrive à deviner le titre de la musique avant que ça ne passe. Et donc ça, c'était donc le dernier de ces morceaux de... Alors comment que ça s'appelle de nouveau? Autumn Bricolage, c'est donc un album qui est sous licence Creative Commons by NCND et qu'on va faire suivre par... on va changer d'interprète, d'artiste. Et on change aussi de licence, c'est sous licence Art Libre cette fois-ci. Et il s'agit donc de Phoebus, de l'album 4 Pole Meditation, enfin 4 Pole Meditation plutôt, hein, c'est un titre en anglais, que vous pouvez trouver donc sur Dogmazic. Et là, il s'agit du pôle Nord, là, puisque l'album s'appelle North. Et donc ça, par contre, c'est, il me semble que c'est autoproduit. Ah non, c'est Force Majeure Music, c'est aussi un net label qui a sa page en fait sur Dogmazic, hein, simplement. Ce morceau de 7 minutes 30 sous licence art libre, donc grosso modo je résume ce que vous pouvez en faire, vous pouvez donc diffuser sous certaines conditions mais sous la même licence, vous pouvez le diffuser également sous forme modifiée mais pareil en gardant la même licence et bien sûr on cite le nom de l'auteur parce que c'est pas parce que c'est de la musique sous licence art libre qu'elle est libre de tout droit, non, il y a des conditions, hein. La musique libre de tout droit, de toute façon, ça 100% libre de droit, ça n'existe pas, n'en déplaise à un site qui était libre et qui est devenu commercial. Et donc à l'instant North par Phoebus, donc de l'album où ce qu'il est nouveau, de l'album Four Pole Meditation, et c'est du net label Force Majeure Music. Et donc sur le chat on clavarde, donc clavarde de différentes choses, et notamment on en est venu à l'Adopi. Ça tombe bien parce que j'avais prévu dans Touche et Mo, avec la mère Teuil, et puis il y a aussi sur le chat Anti-Blues et Machelou et Julquien qui ne disent rien, mais probablement qui lisent et qui écoutent. En tout cas, il y a des auditeurs, ça c'est sûr. Donc Adopi, le deuxième projet de loi, cette fois-ci, la date est fixée. Donc je rappelle quand même l'épisode précédent. C'est que le vote final de la loi après l'examen des amendements n'avait pas eu lieu. Selon certains médias particulièrement favorables à l'Adopi, ils ont rejeté la faute sur les sénateurs, les députés socialistes qui avaient déposé 900 amendements et que c'est ça qui aurait empêché. Mais ces amendements ont été vérifiés en commission avec un véritable abattage. Ils examinaient 15 amendements à la fois et puis en 2 minutes chacun, et ça a été expédié vite fait. C'est pas ça qui a bloqué. En réalité, c'est qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de députés UMP présents pour... pas suffisamment de députés présents donc qui soient favorables à ce projet de loi. Et notamment... Les députés UMP qui étaient présents étaient des députés qui étaient opposés à la loi et donc évidemment ils n'allaient pas le faire voter dans ces conditions. Alors la date est fixée au 14 septembre, donc juste à la rentrée, exactement à la rentrée de l'Assemblée nationale. Et donc, et ça en session extraordinaire. Elle a été publiée donc le 29 juillet 2009 au Journal officiel. Et donc, le Parlement français est convoqué pour ça. Évidemment, comme ça, on est sûr d'avoir suffisamment de députés UMP. Donc, il y a des propositions, des projets de loi qui figurent, entre autres, aussi à côté de ça. Et donc, il n'y a que le Sénat, pour l'instant, qui a voté la loi Hadopi 2. Et il faudra encore que ça, donc l'Assemblée nationale fasse de même. Néanmoins, bon, on a un texte très différent entre les deux chambres. Donc, il faudra mettre en place de nouveau une commission mixte paritaire avec 7 députés et 7 sénateurs pour harmoniser les deux versions. Et le Parlement devra à nouveau s'exprimer sur le texte unifié. Alors, l'opposition est toujours déterminée et donc un recours va être déposé devant le Conseil constitutionnel pour différents aspects, mais également, vu qu'il va y avoir une partie de la loi qui sera par décret, eh bien, il va y avoir un recours devant le Conseil d'État. Alors, notamment, il y a toujours cette négligence caractérisée qui s'ajoute aux peines prévues donc pour pour l'acte de contrefaçon où on risque 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende, 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende prononcées sur des preuves assez peu concluantes puisqu'il s'agit d'une simple adresse IP, une détection indirecte. Il n'y a même pas la tentative de provoquer un début de téléchargement dans la façon de faire. Il suffit simplement que votre connexion se coupe et revienne. Vous avez une nouvelle adresse IP et cette adresse IP a été utilisée par quelqu'un d'autre auparavant qui lui avait téléchargé illégalement votre adresse IP, votre nouvelle adresse IP. Elle traîne sur le réseau CAD alors que vous n'avez rien téléchargé parce que le réseau CAD ne sait pas que cette adresse IP a été attribuée à quelqu'un d'autre entre-temps. Et donc voilà un petit peu le genre de joyeuseté auquel on nous apporte, auquel on nous prépare. Et ça va être décidé par qui donc pour cette sanction? Eh bien, il va y avoir simplement 3 personnes qui vont statuer, qui auront à peine une demi-heure pour préparer le dossier et qui finalement ne seront qu'une chambre d'enregistrement de la... qui ne seront qu'une chambre d'enregistrement des décisions de la haute autorité, de la Hadopi. En fait, voilà un petit peu ce à quoi on nous prépare. Donc j'avais encore prévu de faire passer un morceau de musique et finalement il ne passera pas parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc je peux tout simplement envoyer le générique et qui va même m'amener en retard. Ce générique qui est le lancer de croquettes. Alors, le lancer de croquettes qui est sous licence art libre et qui est en candidat au remixage. Donc, vous pourrez remixer ça, le triturer, le mélanger et puis le resservir pour faire un nouveau générique si le cœur vous en dit. Il sera abondamment utilisé aussi sur l'émission. Et les 10 derniers génériques sont systématiquement transmis sur la page HTML. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis une bonne écoute du programme qui a été concocté par l'équipe de Dogmazic, là la sélection dans l'archive à laquelle je vais laisser la place tout de suite. La place tout de suite, qu'est-ce qui passe d'ailleurs maintenant? C'est par exemple Plagic Soup Steph par Steph 21 pour le morceau suivant. Et tout à l'heure, de 21h à 23h, il va y avoir un relais de Makefest Radio, l'émission Urbano, qui est consacrée notamment au dub et au trip-hop. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci pour l'écoute. Merci à tous les gens qui étaient présents sur le chat, c'est-à-dire Anti-Blues, Julkien, Lamerteuil, Machelou, et puis il y avait encore quelqu'un d'autre, il me semble, Geek Shadow, qui s'est déconnecté. Donc, une bonne soirée. L'émission sera également mise en ligne en 80 kilobits sur l'archive Dogmazic, en 500 kilobits par le BitTorrent, par la mule et sur archive.org avec donc un fichier Ogg Vorbis de très haute qualité. Je précise aussi que les MP3 que j'ai récupérés, ben, je les ai un petit peu restaurés pour que cette qualité puisse se justifier. Alors, ben oui, il faudra bien que je finisse par m'arrêter de parler. Donc, je m'arrête. Bonsoir à tous.